Chapitre 3e. Les journaux du soir donnèrent naturellement la relation de l'événement du New World Herald. Mais ils disaient, selon la version officielle adoptée, que M. Devon Bridgeport était tombé en syncope dans son bureau et que son évanouissement avait duré jusqu'au matin. Tout d'abord, on avait pu penser qu'il s'agissait d'un attentat dont personne ne pouvait imaginer la raison. Mais il avait été constaté que l'on se trouvait simplement en présence d'un évanouissement. Le parquet s'était transporté sur les lieux, tout de suite croyant à un crime, mais il avait immédiatement reconnu que toute supposition malveillante devait être écartée. Sous les soins du docteur, M. Bridgeport était revenu à lui, ne portant qu'une trace de violence, pas la moindre blessure apparente, sauf au cou et au menton, blessure qu'il avait dû se faire en tombant sur le parquet. Maintenant, M. Bridgeport était en parfait état de santé et reconnaissait lui-même qu'il n'avait pu être victime d'aucun attentat. Son accident devait être attribué uniquement à une grande fatigue et au surmenage. C'est ce qu'on pouvait dire de mieux sur cet incident, d'autant plus mystérieux qu'il semblait très simple, et le public devait se contenter de ses explications. L'affaire était légalement classée, et seul Paulin Broquet tenait encore à la poursuivre. Dans l'après-midi, le mystère se compliqua étrangement. L'affaire rebondit d'une façon fantastique. Mais cela seulement aux yeux de Paulin Broquet, qui, lui, voyait beaucoup plus loin que ce simple évanouissement de l'excellent Bridgeport. En effet, peu de temps après notre visite chez Harry, un officier de l'armée américaine se présenta chez Hughes J. Brewster et demanda vivement à être reçu par le multimillionnaire. Nous savons déjà que le matin, en lisant le New World Herald, M. Hughes J. Brewster, parcourant dans les colonnes l'article élogieux fait sur Miss Stella Starring, était entré dans une colère terrible. Il s'était jeté sur le téléphone et avait vertement correspondu avec M. Mounds, le directeur du journal, le chargeant de sa part de secouer fortement le rédacteur de l'article qui le mettait en telle fureur. Sa fureur, en effet, fut si grande qu'elle provoqua une crise. À peine remis et sans être encore tout à fait calmé, il s'était fait transporter dans son cabinet de travail, sa bibliothèque, immense pièce, luxueusement décorée et meublée. Selon son habitude, il se tenait dans un grand fauteuil, devant la vaste cheminée de style gothique où brûlait un clair feu de bois. M. Hughes J. Brewster ne recevait personne. Quand on lui passa le nom du visiteur, il l'envoya à son secrétaire. Mais l'officier insista fortement pour être reçu par le banquier en personne. Il affirmait que ce qu'il avait à dire à M. Hughes J. Brewster ne pouvait être entendu que par lui. Cet officier appartenait au détachement américain séjournant en France et s'occupant des sépultures des soldats américains tombés pour la cause de la liberté des nations. C'était un homme jeune encore, grand, fort, très sympathique, de manière calme et affable. Malgré cela, M. Hughes J. Brewster refusa encore de le recevoir, l'adressant de nouveau au secrétaire. Alors l'officier américain reprit des mains du domestique, sortant de la bibliothèque de son maître avec la même réponse, sa carte de visite. Sur cette carte, il traça rapidement, au crayon, trois mots seulement. « Veuillez faire lire cette carte par M. Hughes J. Brewster lui-même, » dit-il le domestique en insistant cette fois. « Il ne pourra refuser de me recevoir en personne. » Le domestique rentra de nouveau dans la bibliothèque et présenta, encore une fois, la carte à son maître en lui signalant les mots écrits par l'officier américain et lui répétant ses paroles. Hughes J. Brewster, qui avait renvoyé la carte sans même en prendre connaissance les deux fois précédentes, à présent très intrigué, prit cette carte de visite et lut les mots ajoutés au crayon par l'officier. Alors il se dressa d'un coup, oubliant sa goutte, sa colère et sa récente crise dont il subissait encore les douloureux effets. « Non, non !» s'écria-t-il en proie à la plus soudaine et la plus forte colère. « Non, renvoyez-le, chassez-le de la maison !»« Pas possible !» dit l'officier qui était entré dans la bibliothèque derrière le domestique, sans que celui-ci s'en soit douté. « Pas possible ! Malgré vous, malgré tous les gens qui vous entourent, vous allez me recevoir et m'écouter !» Le banquier, au comble de la fureur, regardait l'officier de tous ses yeux pleins de flammes. Il claquait des dents. Dans sa rage, ses mains frémissaient. Très calme, sur un ton grave, l'officier dit au domestique « Sortez !» Et sans souci de sa résistance, Il le poussa jusqu'à la porte qu'il ferma sur lui. Puis elle revint au banquier. Hughes J. Brewster avait fait, avec grand-peine, pendant ce temps, quelques pas dans la bibliothèque jusqu'à son bureau. Au moment où le capitaine revenait vers lui, il refermait le tiroir de ce bureau, mais il tenait à la main un revolver. Le capitaine vit l'arme, il sourit, et sans hésitation, il continua à descendre lentement vers le banquier. À chaque pas que faisait vers lui le capitaine, le banquier relevait un peu plus la main. Maintenant, le canon de l'arme se trouvait à la hauteur de la poitrine du capitaine. « Il y a tout de même une justice ici-bas, » dit le capitaine au banquier, « puisque me voilà et que votre tour est venu de... » Un coup de feu lui coupa la parole. Mais le banquier, dont la main tremblait de vieillesse et de fureur, avait manqué son but. La balle alla casser une glace dans le fond de la pièce. Le capitaine se précipita sur le banquier et, après une courte mais très vive lutte, parvint à le désarmer. « Allons !» dit-il. C'était trop en vérité d'en assassiner deux dans la même famille. L'officier s'empara du banquier, le souleva dans ses bras et le porta dans son fauteuil. Lui maintenant, la tête en l'air pour qu'il pût bien le voir, lui dit « Je ne vous tuerai pas moi-même, bandit. Je laisse ce soin au bourreau qui vous réclame. » À ce moment, le cabinet de travail fut envahi par le secrétaire, les gens de service et les deux détectives appelés depuis la venue de l'officier. On se jeta sur le capitaine, comme ferait une meute sur un sanglier. Mais le capitaine était solide. En quelques coups de poing, il se débarrassa de ses agresseurs. Alors, les bras croisés, droit et fier à côté du banquier effondré, tenant ce dernier sous son regard, il dit, d'une voix claire et précise, sans marque de colère ni d'émotion, « Demandez à cet homme qui je suis. Pourquoi je suis venu le voir et pourquoi il a tiré sur moi. Qu'il parle devant vous. Comme je le forcerai à parler bientôt devant les juges. » On s'était arrêté et on faisait cercle autour du capitaine. Maintenant, nul n'osait approcher. « Qu'il parte !» se mit à crier désespérément le banquier. « Qu'il parte ! Emmenez-le » L'agent Lepic voulut faire du zèle. Il s'avança et essaya de mettre la main sur l'épaule du capitaine. Il eut tort, car un coup de poing l'envoya rouler à l'autre bout de la pièce. « Qu'il s'en aille ! Qu'il s'en aille !» criait encore plus fort le vieillard dans son fauteuil. Alors, l'agent Raymond s'approcha du capitaine. À voix basse, rapidement, en anglais, il lui dit quelques mots. « Bien, » répondit simplement le capitaine. Et docilement, il suivit le détective, sans même jeter un regard derrière lui. « Fermez la porte !» ordonna le banquier. « Restez tous ici, près de moi !» Quand la porte fut fermée, le banquier reprit avec rage le corps tout tremblant de colère, les veines du cou gonflées, les yeux injectés de sang. « J'ordonne qu'on ne parle jamais à personne de cette scène. Le premier qui en dira un mot à qui que ce soit, je le chasserai impitoyablement. Allez-vous-en » Il renvoya tout le monde. Resté seul, il ramassa la carte du capitaine qui se trouvait à terre et d'un geste furieux, il le jeta dans le feu de la cheminée. Voilà quelle fut la première partie du rapport que Raymond fit dans la soirée à Paulin Broquet dans son studio selon sa demande. Il lui raconta cette scène, l'arrivée du capitaine et comment il avait pu l'entraîner hors de la bibliothèque. « Et qu'est-ce que tu lui as dit à l'oreille ?» demanda Paulin Broquet. « Selon vos recommandations, chef, je lui ai dit simplement ceci. Rappelez-vous que le banquier est le père de Harry. Rappelez-vous qu'il est un homme qui peut vous faire avoir ce que vous désirez sans un scandale qui pourrait être préjudiciable à celle que vous voulez sauver. Cet homme, c'est Paulin Broquet. Alors ? Demanda Paulin Broquet. Alors la colère du capitaine est immédiatement tombée. Très docilement, il m'a suivi jusqu'au trottoir devant la porte de l'hôtel. Là, il m'a serré la main et m'a dit « Vous avez raison. Je vous remercie d'avoir empêché mon tempérament de vengeur de faire, peut-être, une bêtise irrémédiable. » Et il est parti à grands pas. « Très bien, mon garçon, » dit simplement Paulin Broquet. « Va continuer ta surveillance et tiens-moi au courant. » Au moment de se retirer, Raymond dit à Paulin Broquet, « Chef, il s'est passé encore d'autres événements absolument imprévus dans cet après-midi tragique. Je dois vous les faire connaître. Parle, mon garçon. » Alors Raymond fit le récit que je relate simplement ici. Miss Stella Starring devait venir à 3 heures répéter à la salle Gabelle, avec ses accompagnateurs pour son prochain concert qu'elle donnait dans 2 jours. Quelques amis, des artistes, se tenaient sous la voûte qui sert d'entrée en attendant sa venue pour commencer la répétition. À ce moment, un officier américain arriva et leur demanda anxieusement si Mr. Lastaring se trouvait déjà là. On lui répondit qu'on ne l'avait pas encore vu, qu'elle ne se trouvait pas dans la salle, mais qu'elle ne tarderait pas à venir. L'officier américain remercia, il alluma une cigarette et se mit à marcher nerveusement sur le trottoir devant la grille de fer servant de porte à la salle Gabelle. Encore un compatriote amoureux, se dirent entre eux les artistes. Ce qu'il fit justifia leur supposition. Quand l'auto de Stella Staring s'arrêta devant la salle Gabelle, l'officier américain se précipita au devant de la danseuse. Il y eut deux noms prononcés avec surprise, avec joie, et la chanteuse se jeta dans les bras de l'officier américain. Tous deux se donnèrent une longue et affectueuse étreinte, sans souci des regards des artistes présents. Puis, se dégageant, l'officier dit quelques mots à Stella. La chanteuse, avec bonheur, répondit « Oui, oui, de grand cœur, allons tout de suite. » Elle vint dire aux artistes « Excusez-moi, mes chers amis, je ne répéterai pas aujourd'hui. » Elle remonta dans l'auto avec l'officier américain et s'éloigna. On put la voir cependant passer ses bras autour du cou de l'officier et recommencer à l'embrasser tendrement. Sur la place Saint-Augustin, l'auto stoppa devant la boutique d'une fleuriste. L'officier descendit, il entra dans la boutique. Bientôt, il en ressortait, suivi de toutes les employées du magasin chargé, comme lui, de fleurs superbes. Le magasin était vide et la voiture bondée. Il y avait des fleurs jusqu'à côté du chauffeur. Puis la voiture disparut. « Voilà, chef, dit Raymond, la deuxième partie de ce que j'avais à vous dire. » Il ajouta. « Maintenant, pour la troisième partie, elle est plus douloureuse. » Cette fois, Harry paraît. Harry tient un rôle important. « Je m'en doute, » dit Paulin Broquet. Harry, en effet, m'a dit qu'il avait le grand plaisir d'accompagner Stella Staring au cours de ses déplacements dans Paris, de ses courses dans tous les points de la capitale. Il a dû venir, comme certainement il était convenu entre lui et Stella, la retrouver à la salle Gabelle à l'heure de la répétition. « Oui, chef. » Il apprit alors, avec le plus grand étonnement, la plus profonde anxiété, que Stella Staring n'avait pas répété, qu'elle n'avait fait qu'apparaître pour dire aux artistes qu'ils devaient figurer avec elle, qu'elle ne répéterait pas aujourd'hui. Les artistes ne lui dirent pas, comme tu viens de me l'apprendre, que l'adorable Stella était partie avec le fougueux officier américain. « Non, chef, personne n'osa lui faire cette peine, entrer dans cette douloureuse affaire. » Mais mon camarade Lepic a été chargé, comme vous le savez, par le banquier, de suivre également les pas de Stella dans Paris. Lui, avec le tact qui le caractérise, il crut bon d'apprendre à Harry la vérité qu'on n'osait pas lui dire. Ça ne m'étonne pas de la part de cet imbécile. Lepic, donc, apprit au fils du banquier que la délicieuse artiste était partie avec un officier américain. Mais, dit Paulin Broquet, s'il suivait Miss Stella, il n'a pu voir la scène. Lui, non. Car retenu à l'hôtel depuis l'aventure de l'officier, il était parti bien après moi. Il l'avait manqué chez elle et il venait la retrouver à la salle Gabelle. C'est bien ce que je pensais. Mais les artistes qui assistèrent à toute cette scène, sans se douter qui était Lepic, la lui racontèrent. Et lui, tout bêtement, il en fit part à Harry. Alors, demanda Paulin Broquet, Harry, où s'est mis dans une rage folle, où n'a pu y ajouter foi. En effet, Harry ne crut pas un mot de ce que Lepic lui racontait. Il se rendit à l'hôtel où habite Stella. Naturellement, la délicieuse artiste, partie dans tant de fleurs, ne devait pas être rentrée chez elle. Non, chef, Harry ne la trouva pas. Depuis ce temps, il court comme un fou dans Paris. Pauvre garçon, dit Paulin Broquet. Voilà, chef, tout ce que je peux vous apprendre pour le moment. Je ne sais rien de plus. Maintenant, je dois retourner à mon poste devant l'hôtel de Hughes J. Brewster. Va, mon garçon, et dès que tu auras du nouveau, fais-le-moi savoir comme tu pourras, ou viens toi-même m'en faire part. Surtout, empêche ton brillant collègue Lepic de nous causer quelque ennui avec son admirable sottise. » Après avoir, avec cette habileté qu'il croyait fort grande, révélé au fils du banquier la scène qui s'était passée entre Stella et l'officier américain, le détective Lepic s'empressa de retourner à l'hôtel du banquier. Il faut dire ici que M. Hughes J. Brewster avait promis aux deux détectives, à Raymond et à Lepic, qu'il donnera une forte somme à celui qui arriverait à surprendre Miss Stella Staring en faute de façon à débarrasser Harry de son fol amour. Raymond, de son côté, ayant pu connaître la force et la qualité de l'amour des deux jeunes gens, se rendit absolument compte qu'il perdrait son temps en se lançant sur cette piste. Miss Starling étant irréprochable, ne pouvait fournir le moindre prétexte qui eût ravi le banquier. Quant à Lepic, lui, pas un instant, il ne douta que son flair, son habileté, l'amènerait, malgré son collègue Raymond, à toucher la forte somme. Ayant donc appris ce qui s'était passé devant la porte de la salle Gabelle, après en avoir informé l'infortuné Harry, il eut la certitude de réussir dans son espérance. Tout de suite, il courut faire part de l'aventure au banquier. Il lui répéta ce qu'il avait appris à Harry. Dans son fauteuil, le banquier tressaillit d'émotion. Après cette journée mouvementée, ce fut tout de suite, dès qu'il entendit le récit de Lepic, comme un éclair de joie pour le père de Harry. Il tenait donc le moyen maintenant de le détacher définitivement de cette perfide Miss Stella, qui naturellement, comme toutes les chanteuses, toutes les artistes et toutes les diaboliques femmes de théâtre ou les étoiles de cinéma, devait absolument se moquer de ses amoureux et céder à sa fantaisie dès que quelqu'un qui lui plaisait se présentait. Hughes rayonnait en se frottant les mains. « C'est très bien, mon ami, ce que vous m'apprenez là. C'est très important. Je vous suis reconnaissant et je double la prime que je vous avais promise. » Lepic, absolument triomphant, attendait donc que le banquier lui délivrât ce chèque mirifique. « Êtes-vous sûr, demanda Hughes J. Brewster à Lepic, que cet officier qui enleva amoureusement Miss Starring est le même que celui qui est venu faire du tapage ici ?»« Je ne le sais, » répondit Lepic. « Alors allez vous en informer, c'est très important. » C'est indispensable. Il ne touche à la prime que quand vous m'aurez fourni ce renseignement. Le malheureux Lepic vit d'un coup s'écrouler son rêve d'or et les dollars de ses espérances se fondre comme du beurre au soleil. Cependant, il ne doutait pas de lui. Il était persuadé que, rapidement, il allait pouvoir non seulement obtenir ce renseignement que réclamait le banquier, mais en même temps toutes les preuves irrécusables de la trahison amoureuse de l'adorable Miss Stella Starring. Alors il se dit encore « Peut-être bien que devant les preuves que je vais fournir, le banquier doublera la prime déjà doublée. »